Qua ci vuoi fare avec chi? Fare a Ferrari, come avec Tony Ross? No, no, no, no. Allora, laisse tomber. Merde, c'est quoi tout ça? Eh merde, je me suis fait avoir. Oh, yo. Wesh les keufs de la musique, attention c'est Tony Ross avec ma belle Elvira. Wesh le king, mec et Sammy Sosa. Et tu es ton game contre moi. Comme tu sais, ouais mon rap est introuvable dans les kebabs. Et ouais mon pote, j'suis parti du trou du cul de l'OVA. Pour griller les étapes, pour te dire wow ce move est à moi. Elvira, comme tu vois, moi tout seul, j'suis Giant Gang. Et ouais, dans ce biz, j'fais confiance à personne, j'taffe tout seul. Et ouais, chérie, on s'fait courser par toute la côte du RAP. J'aimerais bien m'enfermer pour ces peu de ventes illégales. Dans ce putain de move de la musique, c'est pas moyen de faire de la zik tranquillement et de prendre du blé. Oh. À jamais je resterai cet ennemi publicé pour ce putain de move de la musique. C'est au fond mon pote, qu'est-ce que tu me veux avec ta bande de la passe? Ne fais pas ouais ta ronde avec les loups, tes gros lyrics de voyous, tes capoulets qui fait rire tous ces hyènes qui se forcent à faire des rires à la pelle. Et ouais mon pote, j'ai le faux rire quand j'fuck ton game. Ah ouais mon pote, vous vous prenez pour des bons, vous êtes des bons, mais pas assez pour stopper Tony Ross. Ah ouais, Tony Ross, allez, hasta luego. Ah ouais mon pote, c'est comme